On va parler de golf. Tiens, c'est le beau temps qui nous fait parler de golf. On parle avec le directeur général du club de golf de Chibougamau, Michel Allemand, puisque c'était la semaine passée, il y avait l'Assemblée générale. Les questions de savoir comment ça s'est passé, ça n'a pas été une année facile l'an passé. On parle avec le directeur général de Michel Allemand. Salut Michel! Bonjour Danny, ça va bien? Oui, ça va bien Michel, au plaisir de se reparler. On va se reparler à partir du 15 de mai environ, toutes les semaines encore. On se parle parce que c'était l'Assemblée générale la semaine dernière. Comment ça s'est passé? Donc, ça s'est très bien passé. On a eu une belle assistance. Tout près d'une quarantaine de personnes qui se sont déplacées. Comme tu l'as mentionné en entrée de matière, l'année 2016 a été assez difficile pour le club de golf de Chibougamau. Mais on a réussi des bonnes actions pour nous permettre d'absorber notre déficit qu'on avait et repartir l'année 2017 là, sur une base d'optimisme. Oui, OK. Donc, vous avez déclaré un surplus, une perte, comment ça s'est passé? Non, disons qu'on doit avoir un déficit d'environ 25 000 avant l'amortissement. OK. Donc, une année très difficile, plusieurs imprévus, un bris majeur au niveau de la toiture, des filets qui ont été arrachés au niveau du terrain de pratique. On a dû rajouter d'autres nouveaux filets aussi pour des mesures de sécurité additionnelles. Un bris sur une machine. 11 journées complètement fermées. 16 ouais. demi-journées fermées à cause de température. Okay. Donc, tout ça mis ensemble, possiblement une des saisons les plus difficiles au niveau du golf. OK. Comment... Mais là, maintenant, vous allez travailler sur des nouvelles bases, j'imagine. Mais là, c'est sûr, faut savoir également à Chibougamau, ce qui se passe, c'est que le revenu de la salle qui n'est pas comptabilisé aussi, là. Ça, c'est important de mentionner ça. Après, le revenu de la salle, ça veut dire quoi? Non, ça, c'est inclus. Je pensais que c'était pas inclus, OK. Comme nos loyers, puis comme nos revenus de salle, comme les revenus de bord. Fait tout ça mis ensemble, on arrive malgré tout avec un déficit de l'ordre de près. Généralement, les autres années, il y avait un déficit, mais ce qui vous faisait rattraper, c'était les revenus de la salle. Mais là, tout à fait. Oui, une chance que j'ai eu ça, parce que ça a été beaucoup plus catastrophique que ça. OK. C'est pour ça qu'on s'en tire quand même assez bien. Puis, on a réussi une action qui nous a permis de couvrir ce déficit-là. Donc, on n'a pas été obligé à l'Assemblée annuelle de demander de contribution au déficit à nos membres. Okay. Donc, on a recommandé seulement une légère augmentation sur les cartes de saison et on anticipe une année 2017 sur une base optimiste. OK. Comment vous allez faire? Dans le fond, comment qu'on a fait? La première des choses, c'est que on a coupé dans nos dépenses d'environ 30 000 $. OK. Puis cette année, on va instaurer comme un peu partout un tournoi bénéfice. OK. Oh, on n'avait pas chez nous de cet événement-là. Donc, on vise aussi, comme nos collègues de Dolbeau et de Saint-Prime, d'aller chercher un revenu assez substantiel pour nous permettre de terminer la prochaine année avec un surplus et non avec un déficit d'opération. OK. Donc, ça va se passer quand? Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler là-dessus? On a commencé à travailler. On a approché un commanditaire pour avoir quelque chose de majeur. On s'en vient avec une formule assez novatrice. Ça devrait se dérouler normalement le samedi 8 juillet au club de golf de Chibougamau. OK. Si on y allait maintenant avec les nouveaux membres, est-ce qu'il y a un nouveau CA autour de la table? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui se sont joints? On a quand même, malgré tout, 7 administrateurs sur 9 qui ont offert le service pour revenir en 2017. Okay. Et on a comblé, même lors de cette assemblée, les 2 postes vacants. Okay. Donc, notre CA est complet. Nos 9 administrateurs sont là. M. Gustave Hardin devrait faire une 3e année à la présidence. Donc, on va de l'avant, on se retrousse les manches. On a un beau calendrier d'activités. On a plusieurs collaborateurs majeurs. Donc, on anticipe que la mer nature devrait être de notre côté cette saison, puis on est prêt à faire face. OK. OK. Donc, on va suivre ça de près. Est-ce qu'il y a du nouveau également qu'on a annoncé au cours des projets que, pour 2017? Y a-t-il d'autres projets en vue? Non. Dans le moment, là, comme je te disais, okay. La grosse nouveauté, ça va être un tournoi majeur, un tournoi bénéfice. OK. Puis on revient, dans le fond, avec sensiblement les mêmes activités qu'on avait au cours des dernières années. Bon, ben bravo, puis on va se reparler. Ben nous, on se reparle à compter du mois de mai, Michel, avec toujours les chroniques. Sensiblement vers la mi-mai, là, c'est toujours notre date. Si le printemps est bon en avril, on peut avancer 2-3 jours. Parce qu'on si on, si c'est plus difficile au niveau température, on retarde de 2-3 jours à peu près. On joue là-dedans. OK, donc on va s'en parler. Voilà, donc c'était le directeur général du club de golf de Chicoutimi, Michel.